Donc, à mon tour, je tenais à remercier l'ensemble des membres du comité scientifique de m'avoir offert l'opportunité de présenter mes travaux, donc mes travaux de thèse qui portent sur les réseaux libéraux, donc sous la Restauration, et les réseaux libéraux français cette fois-ci. Donc, mes travaux de thèse ne concernent pas exclusivement, enfin ne portent pas uniquement sur l'analyse de réseau et sur la notion de réseau, mais ils contribuent à répondre à la problématique que je vais exposer par la suite. Donc, grossièrement, globalement, ces réseaux libéraux français qu'on pourrait définir comme on peut les membres de ces réseaux, les membres de cette frange libérale française, peut se définir dans différentes mesures comme une population acquise aux idées issues de la Révolution et s'opposant à une droite ultra-royaliste, dans le cas français. Donc ces libéraux sont les tenants de différentes idéologies politiques qu'on pourrait résumer très schématiquement par les orléanistes, les républicains et les bonapartistes. Donc cet ensemble hétéroclite compose ce que les différentes sources appellent les libéraux ou les révolutionnaires. Mais ces libéraux français ne constituent pas, donc, comme l'a montré Pierre-Marie, une exception dans l'Europe du Congrès de Vienne. Puisque au tournant de la décennie 1810-1820, une vague de révolution va déferler sur l'Europe. Donc je vous ai mis une petite carte qui est très petite pour vous, mais qui montre en fait toutes les révolutions dans le sud de l'Europe. Et dans le cas français, donc ces révolutions qui se soldent par l'instauration de régimes libéraux, qui seront quelques années plus tard balayées, dans le cas français, la politique menée par Louis XVIII puis par Charles X va pousser progressivement les opposants libéraux français, de l'extrême gauche puis de la gauche dans son ensemble, loin des espaces d'expression traditionnels. Et c'est dans cette France où règnent les inégalités politiques que ces opposants vont éprouver le besoin de se regrouper, de se structurer au sein d'organisations et de préparer différentes actions afin de s'opposer aux Bourbons. Trois temps vont marquer les réseaux libéraux. Une première période de 1816 à 1820 qui marque l'existence de petits groupes locaux répartis sur tout le territoire. Une seconde phase de 1821 à 23 qui marque le moment de la structuration nationale des libéraux dans la société secrète de la charbonnerie française. Puis de 1824 à 1830 qui est un temps un peu plus qui est le temps d'une opposition plus légale, moins conspiratrice. Donc ces actions menées vont être de différentes natures. On va passer de la campagne de pétition à la conspiration, on va du développement de la presse libérale aux campagnes de banquets. Donc c'est tout un répertoire d'actions collectives, selon l'expression de Charles Tilly, qui est employé. Les différentes études produites sur les libéraux français abordent ce personnel dans une perspective plus large que la seule restauration. Elles ont soit tendance à considérer l'ensemble des libéraux comme étant des républicains, soit sur une période longue gommant les spécificités de la restauration, ou alors ces travaux ne s'intéressent qu'aux figures emblématiques du libéralisme français, les théoriciens comme François Guizot, les députés de la Chambre des députés, Foy, Manuel ou le Marquis de Lafayette, ou les théoriciens députés comme Benjamin Constant. Donc ces différentes études se sont bornées également dans un cadre strictement national, délaissant de ce fait les interactions européennes. Or, ces interactions européennes existent bel et bien, puisque le réseau libéral français ne s'arrête pas aux frontières et dépasse le cadre. On peut retrouver notamment à Londres ou aux États-Unis des Français qui ont pris les chemins de l'exil. Donc, l'objet de mon étude, de ma thèse, est d'aborder la figure de l'homme libéral, de s'interroger sur ce qu'est être libéral sous la Restauration bourbonienne, en se fondant premièrement sur l'individu et sur les raisons de son engagement, puis en le réinsérant dans des espaces relationnels qu'il fréquente. Donc toute la question en termes de réseau est de définir quels sont ces espaces, comment se constituent ces espaces, qui occupe quelle place, et est-ce que la place apporte un statut particulier à l'individu, ou est-ce que son insertion dans un réseau l'amène à amener son capital relationnel. Donc en cela, je m'inspire en grande partie de la sociologie des mouvements sociaux, dont Mario Diani ou Doug McAdam avaient renouvelé l'appareillage conceptuel. Donc, pour ce faire, donc j'ai un corpus assez large. Donc, d'une part, il y a trois parties dans mes sources. Donc, D'une part, il y a les données, ce que j'ai appelé les données formalisées, standardisées. Donc, c'est par exemple ici un tableau de composition d'une loge maçonnique libérale, ou encore les listes des rédacteurs de journaux. Donc ça, c'est des sources standardisées qui permettent de saisir les individus qui vont animer ces réseaux. En parallèle, le deuxième groupe est celui des documents produits par les acteurs mêmes de ces réseaux, donc deux types, soit les correspondances directement, soit les mémoires produits a posteriori. Donc là, par exemple, vous avez une lettre envoyée, enfin une correspondance, un extrait de correspondance, entre Ulysse Trella, qui est un fondateur de la société conspiratrice de la charbonnerie, et un charbonnier, mais c'est une production de 1830. Enfin, le dernier ensemble est celui qui repose sur les archives des ministères. Donc, ce sont principalement les documents produits par le ministère de l'Intérieur que j'utilise, les rapports de police. Donc, c'est dans la série, dans ces documents, on peut trouver tout un ensemble varié de documents. Donc, ça passe par exemple ici de la fiche signalétique au compte-rendu d'interrogatoire ou encore au rapport de police et d'agents d'infiltration. Et enfin, le cas qui est le plus fréquent, ce sont les lettres des préfets de département au ministère de l'Intérieur qui informent sur l'agitation dans les départements. Donc, pour traiter cet ensemble, dans un premier temps, j'avais, pour les besoins de mon Master 2, élaboré une base de données qui fonctionnait, enfin une base de données prosopographique, mais qui ne répondait pas, enfin qui a répondu aux besoins dans le cadre du Master 2, mais qui n'a pas répondu aux besoins dans le cadre de la thèse. C'est-à-dire qu'elle était trop restrictive, et j'avais pas assez de champs à disposition, j'aurais pu les rajouter, mais ça rajoutait de la longueur dans les masques de saisie, ce qui faisait qu'à la fin, on s'y perdait totalement chaque fois qu'on voulait insérer une information. Donc, pour traiter ce corpus, je me suis tourné, comme beaucoup visiblement, vers la base ficheuse. Donc, enfin, vers le système ficheuse pour traiter mes comptes rendus. Donc, pourquoi prendre ficheuse ? Parce que ça m'a permis de considérer l'ensemble des événements auxquels participe un individu. Et puis, parce qu'on ne peut pas circonscrire sciemment la recherche à un seul caractère d'un individu. Donc, c'est une base de données qui englobe le plus possible d'éléments de la vie de l'individu et qui est conçue avant tout comme un espace de stockage de l'information et qui ne permet donc aucun traitement statistique hormis par exportation et par traitement sur des logiciels ad hoc. Donc, c'est le recours à cette base de données m'a aussi permis de... Enfin, l'insertion des données dans cette base permet également d'être... Enfin, ces données sont systématiquement accolées une date et une source. Donc ça répond d'une part aux besoins standards de la saisie de la formalisation des données, mais le fait qu'il y ait une date, ça permet aussi de suivre l'évolution du réseau. C'est-à-dire que les ennemis d'hier peuvent devenir les amis de demain dans le cas des réseaux clandestins français. Donc c'est le cas par exemple de Chateaubriand qui est la plume de la droite ultra à la fin de la décennie 1810 et qui fonde en 1827 la Société des Amis de la Liberté de la Presse et donc qui s'agrège au mouvement déjà existant de libéraux. Donc j'ai encore un peu. Oui, 7 minutes. Parfait. Donc ces données relationnelles. Donc excusez-moi. Après le problème de la datation, la nécessaire datation par estimation, le problème du producteur de l'information s'est posé également puisque le niveau d'information et la fiabilité de l'information varient suivant si on a un rapport de police d'un agent qui a vu une réunion de charbonniers par exemple, ou si c'est le préfet qui livre une synthèse à partir de tous les éléments qu'il a recueillis lui-même à partir des agents sur le terrain. Donc, je vais vous présenter quelques-unes des études de cas que j'ai commencé à réaliser. Donc, ces études de cas sont en work in progress. Donc là, par exemple, j'ai reconstruit un réseau. Donc là, vous avez en fait en 1819-1820 une proposition de modification de la loi électorale à la Chambre des députés. Et en réaction, les libéraux français, enfin certains libéraux, vont entamer une vague de pétitions sur 2 ans, sur 2 sessions parlementaires. Donc c'est environ 1000 pétitions qui sont envoyées à la Chambre. Et donc, l'objectif... j'avais des cartons du ministère de l'Intérieur, des cartons qui concernaient des dossiers élections. Et dans ces dossiers élections, on avait des parties entières sur la mobilisation pour les pétitions. Donc, pourquoi c'était la mobilisation des pétitions dans le carton des élections, c'est une autre question. Mais bon. Donc à partir des 87 départements, j'ai modélisé en fait toutes les configurations rencontrées. C'est-à-dire que chacun des brins de ce segment que vous avez ici représente la mobilisation, enfin la perception qu'en ont eu les autorités de cette mobilisation dans les départements. Donc le but de cette représentation, c'était de voir s'il existait un modèle de mobilisation qui était perçu par tous les préfets dans les départements. Donc ce que ça a montré, outre qu'il existait différentes façons de se mobiliser, ça a mis le doigt sur un cas bien précis de réseau. Donc ça, c'est le cas du réseau bordelais, où en fait, c'est la mobilisation s'appuie en fait sur les journaux libéraux, enfin sur les journalistes libéraux du département. Donc ça, c'était un premier essai. Donc deuxième essai, deuxième cas que j'ai étudié, enfin que j'ai essayé, c'était sur la mobilisation sur le premier temps du libéralisme français, 1816-1820. Donc l'historiographie avait retenu qu'il existait des petits groupes locaux éparpillés sur toute la France. Et donc, à partir d'une reconstitution, à partir d'un mémoire du ministère de l'Intérieur, donc à partir de ce mémoire, j'ai relevé tous les liens qui étaient mentionnés à l'intérieur, tous les liens que mentionnait l'auteur, et ça m'a permis de voir en fait que les réseaux, par exemple, que tous les petits réseaux locaux éclatés étaient finalement en lien les uns par rapport aux autres. Je ne sais pas si... Donc ça, mais bon, cette source montrait également aussi les limites, puisqu'il s'agissait d'une synthèse de plus de 10 000 documents. Donc ça a montré, en fait, là, vous avez toute la partie... il n'y a pas les couleurs. Donc là, en fait, vous avez tout du vert, ici et ici. Et ce vert symbolisait ça a été la couleur que j'ai retenue pour la préparation d'une conspiration à Lyon. Et donc, en fait, ce que l'auteur, en faisant sa synthèse, avait forcément effacé des liens. Un autre exemple, ça a été la vente de la charbonnerie du 45e régiment de ligne. Donc, ce 45e régiment de ligne qui était en train de préparer un complot à La Rochelle et qui a été démasqué. Et donc, on avait 3 interrogatoires de 3 charbonniers et qui renseignaient sur le réseau, proprement parlé, sur l'espace relationnel dans lequel ils évoluaient. Donc, de ces trois interrogatoires, d'abord, j'ai essayé de comparer la réalité, la reconstitution graphique m'a permis de mettre en relation la réalité, la théorie et la pratique. C'est-à-dire que là, vous avez le schéma théorique de fonctionnement de la charbonnerie française, où vous avez la vente particulière qui envoie un député, un représentant à la vente centrale, qui envoie lui-même un représentant à la haute vente parisienne. Donc ça, c'était le fonctionnement théorique. Et à partir des trois interrogatoires, donc j'ai reconstitué le réseau, et en fait, en utilisant l'outil... de calcul des clics, donc les trois individus qui se connaissent minimum entre eux. Donc ça a montré qu'en fait, le schéma théorique d'un individu qui faisait le lien, en fait, ne s'appliquait pas dans la réalité, puisque les 4 individus en vert, ce sont eux qui communiquent entre la vente un échelon et l'autre. Donc il y a une certaine différence entre la théorie et la pratique. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai essayé récemment. En fait, j'ai repris donc toujours le même réseau du 45e régiment de ligne. Mais en fait, les couleurs ont été attribuées suivant quel individu avait dans son interrogatoire fait la mention de l'existence d'un lien. C'est-à-dire que Par exemple, quand vous avez en rouge, donc les points en rouge, c'est les points qui ont été mentionnés par Goupillon, donc dans son interrogatoire. Donc ça, c'est tous les charbonniers qu'il a mentionnés, lui. Après, en bleu, vous avez Goubin, qui est un autre charbonnier. Donc tous les points en bleu, c'est ce que lui a mentionné dans son interrogatoire. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai croisé ce qui avait été dit par un et par l'autre. C'est-à-dire que ce qui est en violet, par exemple, donc vous avez un point qui est à peu près au milieu. Vous avez le point ici, vous avez ce point-ci qui a été mentionné à la fois par Goupillon et par Goubin. Donc ça m'a permis en fait de voir comment on projetait le réseau, enfin comment on donnait les informations. Enfin, du coup, je vais finir juste par quelque chose que j'ai essayé tout récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, c'est-à-dire de mettre en réseau quelque chose qui n'était pas conçu pour, enfin, qui ne se présentait pas sous forme de réseau. C'est-à-dire que ce que vous avez ici, ce sont les prises de parole à la Chambre des députés. En bleu, ce sont les points de, ce sont les projets de loi qui sont débattus, et en rouge, ce sont les députés. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir comment s'organiser la parole au sein de la Chambre des députés et pour voir à quoi ressemblait la figure de l'orateur parlementaire. Voilà, je vous remercie.